trouve. Et moi les 10 autres, je m'en fous. Le seul qui me fait kiffer, c'est lui, un point c'est tout. Arrête de me dire de l'oublier. Je ne veux pas. Que le temps efface bien des larmes, tu vois, je sais. En attendant, je n'ai pas besoin de ça. Non, je ne veux pas l'oublier. Et si tu veux vraiment m'aider, oh, dis-lui-toi. Que je l'aime. Et s'il t'écoute, dis-lui que pour moi, rien n'est plus pareil. De vos débuts, on était tous présents. Vous étiez jeunes, vous aviez quoi? À peine 12-13 ans. Je vous voyais bien, et je vous croyais amoureux. Et là d'un coup, plus rien, non, plus rien entre vous deux. T'es mon pote, tu sais, l'amour c'est relatif. Un jour tu regretteras et tu me diras putain je la kiffe. Tu sais ça me saoule, je suis la rocole et vos morceaux déjà cassés chacun de votre côté vu que ça se morfond. Tu sais s'il y a d'autres filles, allez, dis-moi. Car elle m'appelle tous les soirs pour me parler de toi depuis des mois. Mais si t'insistes, je dirais de t'oublier. Mais je sais que tu as du cœur même si tu ne sais pas où il est. Dis-lui toi. S'il t'écoute, dis-lui que pour moi, rien n'est plus pareil. Dis-lui toi que je l'aime. Et s'il t'écoute, dis-lui que sans lui, je ne suis plus la même. Tu sais qu'elle m'a fait du mal quand elle est partie sans réponse. C'est vrai que je l'aime encore, dire le contraire serait un mensonge. Mais c'est trop facile, elle me jette, elle me reprend. On n'accepte pas tout par amour, c'est l'épilogue d'un beau roman. Et je sais que tu vas me dire que notre séparation a l'air louche. Dis-lui de faire son deuil, d'enlever les photos sur Facebook. Si on est fait l'un pour l'autre, on se retrouvera comme par magie. Et si c'est pas le cas, je la laisserai vivre sa vie. Dis-lui t'écoute, dis-lui que sans lui, je ne suis plus la même.